La légende dorée de Jacques de Voragine. Traduction par Théodore de Viseva. 15. Saint-Rémy, évêque et confesseur. 14 janvier. La vie de Saint-Rémy a été écrite par Hincmar, archevêque de Reims. 1. La naissance de ce glorieux docteur et confesseur de la foi a été prophétisée par un ermite, dans les circonstances que voici. Au moment où la persécution des Vandales désolait toute la France, un saint ermite, qui était aveugle, priait avec ardeur pour la paix de l'Église des Gaules. Or un ange lui apparut et lui dit « Sache que la femme qui s'appelle Céline mettra au monde un fils du nom de Rémy, qui délivrera son peuple des attaques des méchants. » Aussi l'ermite, dès qu'il s'éveilla, se fit-il conduire à la maison de Céline et lui raconta sa vision. Et comme la dame refusait d'y croire, car elle était déjà vieille et avait renoncé à l'espoir d'enfanter, l'ermite lui dit « Sache que, lorsque ton enfant aura pris le sein, tu n'auras qu'à me frotter les yeux de ton lait pour qu'aussitôt je recouvre la vue. » Et tout arriva en effet de cette façon. Dès sa jeunesse, Rémy évita le monde et entra dans un couvent. Mais à 22 ans, sa renommée, sans cesse croissante, lui valut d'être choisi par tout le peuple pour l'archevêché de Reims. Et c'était un homme d'une telle douceur que, quand il mangeait, les moineaux venaient sur sa table et qu'il les nourrissait dans le creux de sa main. Ayant été un jour reçu dans la maison d'une dame et apprenant que celle-ci n'avait plus de vin, saint Rémy entra dans sa cave, fit un signe de croix sur le tonneau, et voici que le vin en jaillit en telle abondance que toute la cave s'en trouva inondée. Le roi de France, Clovis, était alors païen, et sa pieuse femme ne parvenait pas à le convertir. Mais un jour, se voyant menacé par l'immense armée des Allemands, il fit vœu au Dieu qu'adorait sa femme de se convertir à lui s'il lui accordait la victoire sur ses ennemis. Et Dieu lui accorda la victoire, de sorte qu'il se rendit auprès de saint Rémy et demanda à être baptisé. Mais, en arrivant aux fonts baptismaux, l'évêque et le roi s'aperçurent que le saint crème manquait. Et voici qu'une colombe, fendant les airs, apporta dans son bec une ampoule pleine de saint crème, dont le prélat oignit le roi. Et cette ampoule se conserve dans l'église de Reims, où elle sert aujourd'hui encore au sacre des rois de France. 2. Longtemps après, Genébald, homme sage et pieux, qui avait épousé la nièce de saint Rémy, mais s'était séparé d'elle, d'un commun accord, par scrupule de piété, fut ordonné évêque de Laon par saint Rémy. Mais comme ce Genébald avait permis à sa femme de venir souvent s'instruire auprès de lui, ses fréquents entretiens allumèrent le désir dans son âme et le firent tomber dans le péché. Et la femme, ayant mis au monde un fils, manda cette nouvelle à l'évêque qui, rempli de honte, lui dit « Puisque cet enfant est le résultat d'un larcin, je veux qu'il s'appelle Laron. » Mais plus tard, il permit de nouveau à sa femme de venir s'instruire auprès de lui, et de nouveau, il finit par se précipiter dans le péché. Et comme cette fois sa femme mit au monde une fille, il dit « Je veux que cette fille s'appelle Renarde. » Puis, rentrant en lui-même, il alla se jeter aux pieds de saint Rémy et le pria de lui ôter du cou l'étole épiscopale. Mais saint Rémy s'y refusa. Et après l'avoir doucement consolé, il l'enferma pendant 7 ans dans une cellule, et durant cet intervalle, gouverna lui-même son diocèse. Or, la 7e année, comme Genébald célébrait sa messe, un ange lui apparut qui lui annonça que son péché lui était remis, et lui ordonna de quitter sa cellule. Alors Genébald répondit « Je ne le puis pas, car mon maître Rémy a fermé cette porte et l'a scellée de son sceau. » L'ange lui dit alors « Afin que tu saches que le ciel s'est rouvert, cette porte va s'ouvrir sans que le sceau soit brisé. » Et aussitôt la porte s'ouvrit. Mais alors Genébald, se jetant en croix sur le sol, dit « Si même le Seigneur Jésus venait me mettre en liberté, je ne sortirais pas d'ici, sans y être autorisé par mon chef Rémy, qui m'a enfermé. » Alors saint Rémy, mandé par l'ange, vint à Laon et replaça Genébald sur son siège épiscopal. Et Genébald persévéra dans la piété jusqu'à sa mort, et Laron, son fils, lui succéda sur son siège et mérita même d'être canonisé. Enfin, saint Rémy s'endormit en paix vers l'an 500. Le jour de sa fête est aussi celui où se célèbre la naissance de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers. Fin de Saint-Rémy.